connais-tu cet homme qui ne voit que toi, que toi? Toi qui n'es rien qu'à moi. Oh, oh. Connais-tu cet homme qui ne parle qu'à toi, qu'à toi? Toi qui n'es que pour moi. Oh, oh. Connais-tu cet homme qui ne chante que pour toi? Toi qui es tout pour moi. Connais-tu cet homme qui ne rit qu'avec toi, avec toi? Toi qui ris avec moi. Oh, connais-tu cet homme qui n'aime que toi? Toi qui n'aimais que moi. Oh, j'ai vu sa photo, prends-le en photo, car bientôt je boufferai ses boyaux.